Ouais, Chami, t'es ma sœur, donc t'as les mêmes valeurs que ma mère. Et s'il n'est plus là-bas, je prendrai la place de mon père. J'ai promis de protéger ma famille, et ça quoi qu'il advienne. Oui, je t'aime comme un frère, celui qui touche, on lui fait la guerre. El Niño, t'es mon frère, t'es très loin des valeurs de mon père. Et chaque soir, je suis ses larmes, car tu fais pleurer ma mère. Est-ce qu'un jour, tu n'as pas peur de finir six pieds sous terre? Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne veux plus que tu fasses la guerre. Tu voudrais que j'aille travailler, mais 1200 c'est pas assez. Et si un jour on finit à terre, qui viendra pour nous ramasser? J'ai toute une famille à sauver, j'ai trop goûté la pauvreté. Trop souvent du mauvais côté, trop souvent du mauvais côté. Pourquoi tu veux pas travailler? T'en auras jamais assez. Si un jour tu finis à terre, je viendrai te ramasser. Tu crois pouvoir tous nous sauver? On combat tous la pauvreté. Trop souvent du mauvais côté. Dis à maman que je reviendrai bientôt quand j'aurai de quoi la satisfaire. Pour l'instant je suis dans la merde comme un scato. J'attends que le bus se manifeste. M'incrimine pas, je fais ce que je peux. Je rentre tard, je traîne un peu. Encore un rouge, encore un bleu. Le frigo plein, c'est ce que je veux. Tu fais du bif et des lobes sales. J'en ai rien à faire. Crois pas que je vais te laisser faire. Non c'est pas la fête. Tu n'écoutes pas, tu voles un peu. Tu rentres tard, tu dis la peu. Carton rouge, encore les bleus. Fais ta vie, fais ce que tu veux. Tu voudrais que j'aille travailler, mais 1200 c'est pas assez. Et si un jour on finit à terre, qui viendra pour nous ramasser? J'ai toute une famille à sauver. J'ai trop goûté la pauvreté. Trop souvent du mauvais côté. Trop souvent du mauvais côté. Pourquoi tu veux pas travailler? T'en auras jamais assez. Si un jour tu finis à terre, je viendrai te ramasser. Tu crois pouvoir tous nous sauver? Prête-moi ta plume pour soigner nos maux. Au clair du bitume, mon ami ghetto. Prête-moi ta plume pour soigner nos maux. Pourquoi tu veux pas travailler? T'en auras jamais assez. Si un jour tu finis à terre, je viendrai te ramasser. Tu crois pouvoir tous nous sauver? On combat tous la pauvreté. Trop souvent du mauvais côté. Tu peux changer de côté. Pourquoi tu veux pas travailler? Hey.